On va enchaîner, on va déjà tout de suite juste préciser que... non, je vous préciserai après, parce que d'abord, c'est l'archivant, l'archivant de Jérémy pour se réveiller en beauté. Je me retourne sur le gravier du parking, du PAC, les groupes communs et le feu lumine, les sur le parking du PAC, le plateau de la bagnole pure, les qui ne s'arrêtent plus, et la pluie qui tombe, et la vie de boucons secs, et les vents humides, saignent, les croûtes, les plaques, les canines, passent, les poissons, beaucoup Jérémy pour ses explications de qualité, c'était parfaitement clair.